Vous écoutez France Culture. Plus jamais seul, de Caryl Ferret. 10 années plus tard, j'en avais bien marre. Ruminer l'angoisse, pour aller nulle part. La poudre et la soie. Tu veux pas baisser un peu la musique, papa? J'arrive pas à me concentrer. La gamine lisait un manga, les pieds nus sur le vide-poche de la Jaguar. Alice, 13 ans à peine, deux tresses brunes et des grands yeux tout verts qui le regardaient comme son père. Avec lui, Alice avait tiré le gros lot. Macache était borgne. Il cachait son œil de verre sous un bandeau de cuir noir, ce qui provoquait chez les autres un mélange de passion baroque et de répulsion instinctive. Son bandeau était tabou, interdit d'y toucher, de s'en approcher. Alice, elle, s'en fichait. Sa mère était morte des suites d'un cancer et elle n'avait pas d'autre famille que ce père borgne dont elle ne connaissait même pas l'existence 3 mois plus tôt. Un ex-flic, paraît-il, qui avait fini par l'embarquer à la sortie de l'école sous prétexte que c'était les grandes vacances. Dis donc, c'est beau par ici. T'as vu ces dunes? On va s'arrêter. De toute façon, il faut que je prenne de l'essence. On dort où? À Audierne? C'est la dernière ville avant la Pointe du Raz sur la carte. Il y a un hôtel tranquille, pas loin. Dans la baie des Trépassés. Tu connais? J'ai bossé dans le coin. Quand t'étais policier? Pourquoi t'as arrêté? Pour m'occuper de toi, banane. C'était faux. Il avait donné sa démission car son œil valide pourrissait. L'oculariste lui avait donné 6 mois avant de tomber aveugle. Macache ne voulait pas se soigner. Se soigner, pourquoi faire? Le monde le dégoûtait, il le quitterait sans regret. Macache n'avait pas prévu que le destin lui mettrait une gamine dans les pattes. Il était venu la chercher à la sortie du collège et l'avait embarquée avec lui dans la Jaguar. Destination, nulle part. Alice n'avait pas fait d'histoire. Ils avaient tout l'été pour trouver une maison, une ville où s'installer, l'inscrire à l'école. L'essentiel était de foutre le camp. Avec elle. Je te préviens, je suis nul en gosse. Alice avait haussé les épaules comme si elle était bonne en parents. Ils erraient depuis 10 jours d'hôtel en hôtel sur la côte sud de la Bretagne. Alice étira son cou vers les plages de sable blanc le long du littoral. On est marre de la voiture, on pourrait se baigner. Puis j'ai faim. Tu penses qu'à manger, toi? Faut bien que je grandisse. Ils avaient l'été devant eux, mais après, ils ne l'avaient pas sortie du foyer pour la ramener 2 mois plus tard, en expliquant que tout compte fait, elle ne convenait pas. Il voulait quoi? La tuer? Macache remit le son du CD, de l'urticaire dans le sang. Plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul, avec une masse douce dans la gueule. Alice et Makash ne se connaissaient pas beaucoup. Lui qui n'avait pas de prénom ne savait pas comment l'appeler. Ma puce, oh, ça le faisait gerber. Mon chaton, hein, ça s'était déjà pris. Moucheron, ça lui aurait pas plu. Le reste, il s'en fichait. Alors, va pour Alice. Tu viens me baigner ? Écrase, tu veux. Alice se leva d'un bond et partit dans un rire qu'il ne comprenait pas, vers les vagues. Makash déplia le journal, aperçut la tête de la fille dans les vagues. On n'en manquerait plus qu'elle se noie. Se concentra sur les pages centrales du West France. On y parlait de la crise financière de la Palestine, mais c'est l'entrefilé du localier qui fixa son attention. Les traces d'un bateau de plaisance ont été retrouvées hier matin, dérivant au large des côtes espagnoles. D'après les photos des débris flottant à la surface, il s'agirait du voilier porté disparu au large de l'Espagne appartenant au breton Marc Fontaine, dont on reste sans nouvelles. Aucun radeau de survie n'a été repéré malgré les recherches qui ont été officiellement abandonnées. Une expertise est en cours. La nouvelle lui fit un choc. Équipier skipper Marco avait écumé les mers du monde, dormi par tranches de 20 secondes sur les crêtes des lames du Pacifique Sud, tiré des méridiens de coke sur les cartes de navigation, gagné quelques courses parfois, à coups de pari contre le vent et de surf au portant. Après des années d'aventure au grand large, Fontaine avait fini par renoncer à la voile de haut niveau, mais pas au genre de bordée qui suivait les retours à terre. C'est là qu'ils s'étaient connus. Les souvenirs revenaient par strates. Ses yeux bleu néon, son visage, la tendresse de son sourire. Marco. Marco le dingue. Perdu en mer. Tu vas où ? À la capitainerie, je reviens. Je peux venir avec toi ? Non. On sait ce qui est arrivé ? Un pétrolier, sans doute, ou un cargo de nuit. Avec le trafic qu'il y a dans la zone du naufrage, c'est un peu le hérisson qui traverse l'autoroute. Tabarly aurait bouffé son rafio pour courir avec Fontaine. Il avait 5 tours du monde dans les pognes, convoyé des dizaines de voiliers sur toutes les mers du globe. Marco n'aurait jamais traversé le rail comme un connard de hérisson. Votre ami était un marin chevronné, et Tabarly aussi est mort bêtement. Sauf que Fontaine, on n'en sait rien. Vous avez des détails ? Eh bien, Marc Fontaine est parti le 12 juin d'Andalousie à bord de son voilier. Un pongo de 9 mètres qui l'amarre au port. Et on l'attendait en Bretagne vers le 20. Il n'est jamais apparu. Les avions ont survolé la zone sans rien trouver jusqu'à hier matin, quand ils ont repéré les traces d'un voilier qui flottait à la surface. Un expert a certifié les clichés, il s'agit du même voilier. En tout cas, le même modèle. Et vu ce qu'il restait de l'épave, il est probable que votre ami ait percuté un navire marchand. Il en passe des dizaines toutes les nuits. Raison de plus pour se méfier. Fontaine était seul à bord. Il a dû être surpris durant son sommeil. Une ombre glacée passa sur le visage du borgne. La masse énorme du cargo, sa coque d'acier qui perfore la cloison, la voie d'eau. Marco expulsé de sa couchette, écrasé, broyé par le rouleau compresseur, aspiré. L'instant de panique dans la cabine inondée, le froid, le monstre qui n'en finit pas de mâcher sa pauvre coque. Avait envoyé par le fond, comme dans ses pires cauchemars. Tout a dû se passer très vite. Hein? Tout a dû se passer très vite. Il vaudrait mieux pour lui, oui. Le navire qui l'a percuté ne s'est pas dérouté. La collision n'est qu'une hypothèse. Puis vous savez, la plupart des cargos ne se rendent même pas compte qu'ils ont heurté quelque chose. Épaves, baleines, c'est pas ça qui manque dans la mer. Et même, dans le cas où ils auraient vu le voilier, le capitaine l'aurait signalé par radio et dépêché des secours. C'est une loi maritime de base. Ces types sont des chauffards, des soudards qui transportent n'importe quoi dans leur bateau poubelle, qui ne respectent aucune règle de droit et chient en mer dès que l'occasion se présente. Sans compter les équipages trop bourrés pour écouter les appels radio, ou qui s'en foutent. Tous ne sont pas comme ça, heureusement. Quelqu'un a ouvert une enquête ? Le procureur de la République s'en occupe. On aura ses conclusions quand ? Pas avant 6 mois. Makash esquissa la queue d'un sourire. Dans 6 mois, il serait mort, plongé de l'intérieur, comme Marco. Qui a prévenu les secours ? Sa femme. Angélique. On est sûr qu'il s'agit bien de son voilier ? D'après les photos, oui. Les traves coulaient avant qu'on la repêche, mais c'était la seule disparition déclarée dans la zone. Puis il n'y avait pas 36 voiliers comme ici. Makash bougonna, quelque chose continuait de le chiffonner dans cette histoire. Les marins qui naviguaient en solitaire montaient sur le pont, tous les quarts d'heure, faisaient un 360 degrés pour vérifier le trafic et le vent avant de redescendre dans la cabine. Une règle de base que Marco n'aurait pas négligée sur le rail. Qui d'autre peut me renseigner au sujet du naufrage ? La direction des affaires maritimes, sans doute, à Brest. Il quitta la capitainerie avec l'envie de couler le port. Au moins, les flics avaient des éléments de base, un corps, parfois des empreintes, des témoins, un mobile, des traces ADN, des indices à partir de quoi on pouvait déterminer quand et où le drame avait eu lieu, entamer un début d'enquête. Là, il n'y avait rien. Faute d'informations, la plupart des enquêtes sur les disparitions maritimes n'aboutissaient pas. Makash, qui avait été flic à Brest, était bien placé pour le savoir. Le soleil se couchait sur la baie des Trépassés. L'océan déboulait entre les falaises, recrachait ses rouleaux comme autant de lettres mortes venues d'Amérique. Alice et Makash avaient fini par s'installer à l'hôtel de la baie, à la pointe sud du Finistère. Un bâtiment commun, planté devant une mer rocharde. Les surfeurs avaient rangé leurs planches fumées du site dans leurs vannes customisées. Des jeunes qui rêvaient de révolution en faisant les soldes chez Decathlon. Makash les regardait depuis la baie vitrée du restaurant qui donnait sur la plage. Crépusculaire. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air tout sombre. Makash ne répondit pas. Il avala 2 huîtres coup sur coup, se rinça au vin blanc, envoya paître les bigorneaux. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je crois pas. Rien, je te dis. Un copain qui a disparu en mer. Ah bon ? Quand ça ? Je ne sais pas. Une semaine. On a retrouvé des débris de bateau. Le sien, apparemment. Et ton copain ? Bouffé par les poissons, faut croire. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est pris un cargo dans la gueule. Oh, tu le connaissais depuis longtemps ? Marco était avocat pour les Trains Savat. On s'est perdu de vue après mon divorce. Tu t'es marié ? Oui. Il y a longtemps. C'était quoi son nom ? Angélique. C'est bizarre comme nom. C'était une fille bizarre. Elle était comment ? Faut aimer les négresses. Elle était noire ? secret. Ah bon? Et vous êtes restés longtemps ensemble? Non. Pourquoi? Elle avait la rage. La rage? Oui, comme les chiens. J'étais obligé de la piquer. Alice pouffa de rire. Pas lui. Angélique était la frappée atomique qu'il avait épousée 20 ans plus tôt. Une passion, avec casque intégral de celles qui finissent dans le mur ou à la fosse commune. C'est Marco qui avait fini par la récupérer en petits morceaux. Et maman ? Quoi, ta mère ? Vous étiez amoureux ? Évidemment. Il mentait. Il connaissait à peine Carole. Il ne se souvenait que de son cul sur les capots de bagnole et de sa jolie voix éraillée sous les étoiles qui lui murmurait des mots bleus tout au fond de son ventre. Il avait oublié l'existence de Carole jusqu'à l'envoi de sa lettre testamentaire au sujet de leur fille. Macache vivait sans prénom, sans passé. L'avenir, on verrait. Rien. Mais il y pensa toute la nuit. Angélique. Le port d'Audierne s'animait à l'heure du marché. La commémoration avait lieu à midi. Quelques mouettes paraissaient dans le ciel anthracite, recomptaient les chalutiers rangés le long du port. Alice buvait un coca local à la terrasse du bistrot qui dominait les quais. La couleur de ses iris changeait avec le ciel. Ses yeux grands verts, qui ne lui rappelaient même pas sa mère. T'as vu, il y a des maisons à louer sur le port. Ah. Ça doit être mort en hiver. On pourrait peut-être s'installer dans les environs, c'est sympa le bord de la mer. Il n'y voyait que des cadavres, le sien, celui de Marco. Tu l'imagines comment, toi, notre maison ? Je ne sais pas. Avec un toit ? Enfin, il l'aperçut. Longue, svelte, invisible sous sa voilette. Angélique. Elle fumait à l'ombre du quai déserté, perdue dans ses pensées. Bouge pas, je reviens. Macache abandonna un billet sur la table du bistrot et fila vers le ponton où la femme de Marco attendait la famille. Salut, Angèle. Qu'est-ce que tu fais là, le bord? J'ai lu la nouvelle dans le journal. Je peux te parler? Ils n'ont pas été capables de me renseigner à la capitainerie. Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu es, inspecteur? Je ne suis plus inspecteur. Tiens donc. Je peux te poser quelques questions? Je n'ai rien à dire. Le voilier de Marco était équipé pour le grand large. C'était la troisième fois qu'il faisait le trajet cette année. Pourquoi l'Espagne? Il connaissait la Bretagne comme sa poche. Et son voilier était une bombe. Ce qu'il faisait triper, c'était le golfe de Gascogne. La baston. Surfer sur les vagues. Dans ce cas, pourquoi caboter jusqu'à l'Andalousie? Je n'en sais rien. Marco avait, disons, une raison de disparaître? Comment ça? Je ne sais pas, des problèmes d'argent, de jeu, de santé. Des problèmes avec la justice. Je te rappelle que Marco était avocat. Certains défendent des gens peu recommandables. C'est fini tout ça. On est venu ici pour avoir la paix. Des tas de gens disparaissent tous les ans sans donner d'explication. Marco pouvait te cacher des choses. Une autre femme, par exemple. Tu veux que je t'en colle une, Gazzi? Son petit nom, quand ils étaient ensemble. Il ne demanda pas pourquoi ils avaient quitté Paris, ce qu'elle faisait ici. Pourquoi l'odeur de sa peau noire lui revenait. Coutela dans le cœur. Personne qui aurait pu lui en vouloir, en France ou ailleurs. Je te dis que non. À part toi, Marco était proche de qui? Marco a toujours été un sauvage. Tu cherches quoi, au juste? La moitié des bateaux qui remontent vers l'Europe sont les pires chauffeurs. L'un d'eux a pu percuter le voilier de Marco sans s'arrêter pour le secourir. Toujours à remuer la merde. Hein. Je veux juste savoir ce qui est arrivé. Marco avait la phobie des cargos de nuit. J'ai du mal à croire qu'il se soit laissé surprendre, surtout au beau milieu du rail. Tu crois quoi? Que les enquêteurs n'ont pas fait leur boulot? C'est pour ça que t'es venu? Je passais par hasard. C'est trop tard. Ma cache se dandinait sur le quai dans l'expectative. Angélique aperçut alors une gamine dans l'ombre du borgne, une préado aux yeux verts dorés. Hello. Angélique, Alice, ma fille. Alice, Angélique. Depuis quand tu as une fille? Je sais pas trop. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Angélique souriait comme un caïman sous sa voilette. On n'a pas besoin de toi, Akash. Prends nos services, va-t'en. Angèle. Il fit un geste pour la retenir, mais Angélique saisit sa main en un éclair, se dégagea en lui tordant le pouce, si violemment qu'il étouffa un cri. Il s'était fait avoir comme un bleu. Leurs regards se croisèrent, saturés d'échymoses. Des souvenirs remontaient à la surface, le ventre à l'air. Angélique fixa son œil valide avec un air de défi. Tu as de la chance d'avoir cette gamine. Angélique s'éloigna sans un regard pour Alice, souveraine sous sa voilette, sans se douter que ses larmes se voyaient à des kilomètres. Alice avança timidement vers son père, qui grimaçait en se tenant le pouce. C'est elle, ton ex? Pourquoi elle t'en veut autant? Parce qu'elle voulait un enfant, et pas moi. Ah, c'est pour ça qu'elle t'a fait une prise de karaté. C'est pas du karaté, du Krav Maga. C'est quoi ça? L'art martial des agents du Mossad. Ou comment tuer des gens à mains nues? Lui et Angélique s'étaient rencontrés dans un club de Krav Maga de la banlieue parisienne. Trois ou quatre vies étaient passées depuis leur séparation qui, chacune, comptait triple. Makash n'avait jamais cherché à revoir son ex-femme. Il pensait qu'il la trouverait vieillie, tordue, moche. Il se trompait, évidemment. Angélique était beaucoup plus belle à 40 ans qu'à 22. C'est vrai qu'elle a l'air en colère. Moi aussi. Je te dépose à l'hôtel. Il faut que je passe des coups de fil et que je fasse un tour à l'ITF. C'est quoi ça? La Fédération Internationale des Travailleurs du Transport. C'est au sujet du naufrage. Qu'est-ce que je vais faire toute seule à l'hôtel? Il fait même pas beau. Tu sais ce qu'on dit en Bretagne? Il pleut que sur les cons. Ouais, ils doivent être nombreux alors. Autrement, il ferait beau tout le temps. L'équipage surmené, sous-payé, mal formé, mal soigné, mal nourri, manquant d'eau potable, parfois incapable de communiquer entre eux. Le transport maritime était une zone de non-droit pour un million de marins à travers le globe. Makash avait ramassé plus d'une fois ces marins qui, engagés à la va-vite, s'étaient retrouvés sans le sou après que leur capitaine eut déserté le navire. Philippins, Albanais, Russes, ils venaient s'échouer dans les bars du port de commerce à Brest. La plupart finissaient à la rue, au SAMU social, où l'on cherchait un moyen de les renvoyer chez eux. Macache travaillait alors en collaboration avec Yvon Le Gouasse, le responsable de la section maritime de l'ITF de Brest. Le Gouasse ne parut pas surpris en voyant le Borgne débarquer dans son bureau. Je savais pas que t'étais ami avec Fontaine. J'ai eu le procureur de la République au téléphone. C'est lui qui s'occupe de l'enquête. S'il a contacté l'ITF, c'est qu'il soupçonne un cargo ou un pétrolier de l'avoir percuté. Ça peut aussi être un pêcheur espagnol. Ils ont des chalutiers de 20 mètres en fer, capables de découper les voiliers comme du beurre. Tu as une liste noire des armateurs? Je peux y jeter un œil? Je croyais que t'étais plus flic. J'ai pris ma retraite pour m'occuper de ma fille. Alors, cette liste noire? Depuis quand t'as une fille? 3 mois. Sa mère est morte d'un cancer. Tiens. Merci. Tu comptes mener une enquête parallèle? Fontaine a quitté l'Andalousie le 12 juin. Son voilier a dû aborder l'Atlantique dans la nuit du 13. Il me faudra aussi la liste des bateaux présents sur le rail cette nuit-là, avec le nom des armateurs, le pavillon, le maximum d'informations. Pour les comparer avec les navires qui figurent sur la liste noire de l'ITF? Tu perds ton temps, Macache. Avec la déréglementation du commerce international, entre le lieu de l'accident, le pays du propriétaire du navire, celui de l'armateur, de l'immatriculation, du capitaine et de l'équipage, une demi-douzaine de pays sont impliqués en cas de naufrage. Au moment de départager les responsabilités, les avocats font en sorte d'annuler les procès, qui évidemment n'ont jamais lieu au bon endroit. Sans parler des pavillons de complaisance qui finissent de noyer le poisson. Raison de plus, non? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Alice avait collectionné 12 coquillages oranges, 6 gris, 2 noirs. Elle avait percé des trous aux forêts mécaniques et les avait enfilés sur du fil de pêche. Macache lui avait acheté aussi un lot de fermoirs et une boîte à compartiments pour ranger l'outillage. L'ombre du cyclope obscurcit soudain le soleil revenu. Alice leva la tête, vit son père au-dessus d'elle. Tu fais la gueule? Non. Ce n'était pas compliqué de voir qu'elle mentait. Macache vit son petit chantier sur le sable, les coquillages sélectionnés pour les colliers. Il pria secrètement pour qu'elle ne lui en offre pas un. Elle tomberait sur son cadeau dans la poubelle de la salle de bain, au milieu de ses cotons imbibés de puits. Elle en pleurait le soir dans son lit. L'idée même qu'elle lui offre quoi que ce soit lui foutait le cafard. Alice se taisait, penchée sur ses confections. Macache n'aimait pas les gens. Il n'aimait personne que cette gamine qui boudait. Bon, qu'est-ce qu'il y a, hein? Rien, je m'ennuie. Il paraît que ça sert pour plus tard. Arrête de faire la gueule. Je fais pas la gueule, je suis triste. C'est à cause de ta mère? Je suis désolé. Tu vas être obligé de te contenter de moi. C'est pas terrible, je sais, mais j'ai rien d'autre à offrir. Alice ne disait rien sous ses mèches folles. Macache scruta la mer. Tu as envie de faire quoi? Je sais pas. Une partie de pêche, ça te dit? Pêcher quoi? Je sais pas, des crabes. T'as un marteau? Non. C'est pas grave. On va faire ça à la Celte. Au caillou. Alice sourit malgré elle. Ils suivirent le sentier côtier qui longeait les falaises jusqu'à la pointe du vent. Des métastases de roches brunes et grises, découpées au scalpel de la mer, grondaient tout en bas. L'air était pur, à plein vent, fleurs couchées et papillons à la baille. Alice voulut prendre la main de son père, mais le sentier était trop étroit. C'est en revenant de balade qu'il reçut le mail de Le Gouasse. Maccache attendit d'être dans sa chambre d'hôtel pour comparer la liste noire de l'ITF avec la liste des bateaux ayant passé le rail la nuit du drame. Cargo, vraquier, tanker, 36 navires avaient pris le rail au large d'Alicante la nuit du 12 juin. L'un d'eux figurait sur la liste noire de l'ITF, le Jasper. Le cargo appartenait à Alex Zamiakis, un armateur grec, au passif impressionnant. Trafic impayé, navire abandonné. C'est le bateau qui a percuté ton copain? Pour le moment, on n'en sait rien. Mais le Jasper a déjà eu maille à partir avec la justice, lors du naufrage d'un bateau de pêche au large d'Ouessant, il y a 2 ans. D'après l'ITF, le Jasper avait quitté Tanger le 11 juin au matin. Le Jasper devait joindre Brest le 15, décharger une partie des containers avant de repartir pour Portsmouth. Inspecté lors de l'escale à Brest, on avait relevé 19 déficiences. Le Jasper était depuis bloqué dans le port pour travaux, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas très loin d'ici, Brest. Je vais aller faire un tour. Quand tu dormiras. Les flancs du Jasper clapotaient dans l'eau sombre. Minuit. Consignés dans leur cabine, les marins devaient trouver le temps long. 8 Maltais, d'après ces infos, 2 Philippins et 3 Grecs. Ces trois-là avaient embarqué au dernier moment, au départ de Tanger. Maccache se dirigea vers les bistrots du port, quand il aperçut 2 silhouettes sur les quais, qui marchaient vers le cargo amarré. Vous êtes les marins du Jasper? Pourquoi? J'aimerais vous parler au sujet d'un accident survenu en mer il y a une dizaine de jours. Dans la nuit du 12 juin, au large d'Alicante. On n'a rien à dire. Je sais que vous avez percuté un voilier cette nuit-là. Si vous témoignez, vous ne serez pas inquiété. Votre capitaine est légalement l'unique responsable. Vous en pensez quoi, les gars? Va te faire foutre. Maccache bloqua le poignet du marin, l'aspira contre sa poitrine et lui tira brusquement le pouce. Un geste et je lui casse le pouce. Alors? Lâche-le. Lâche-le ou je te descends. Fouillez-le. Tiens. Maccache, hein? Pour qui tu travailles? Tu enquêtes sur quoi? Réponds. La disparition d'un voilier au large d'Alicante. Qui a ouvert une enquête? Personne. Liquide-le, Mario. C'est qu'en fouille merde. Réponds ou on t'arrache ton putain d'œil de bord. Tu as 5 secondes. Fontaine est un vieil ami, c'est tout. Tu mens. Qui t'envoie? Personne. Tant pis pour toi. Tuez-le, les gars. Et jetez-le dans le port. Je vais chercher ce qu'il faut pour le lester. Mario filait vers le Jasper quand une lame jaillit dans l'ombre du hangar. Makash se tenait contre le mur, mais son cerveau avait gardé le cap. Muscles relâchés, concentration maximum avant l'attaque. Les marins croyaient le tenir. Ils se trompaient. Makash banda ses muscles et attaqua si vite qu'il échappa à leur étreinte. Le marin visait sa carotide. Makash saisit son poignet et le tordit. L'autre s'écroulait quand un pic brûlant s'enfonça dans ses reins. Un coup de couteau. Du poing, Makash frappa la gorge de l'homme à sa gauche. Le troisième s'accrocha à son épaule, mais un coup de coude lui enfonça l'œil. Le marin touché à l'œil ramassa le couteau, mais Makash saisit sa main crispée sur la lame et l'enfonça dans son ventre. Le grec regardait son bras cassé avec un mélange de surprise et d'effarement. Jambes tendues, genoux contre la poitrine pour armer le cou du talon. Makash lui brisa la colonne vertébrale. Le borgne souffla pour effacer la peur. Il se tenait debout au milieu du carnage. Une douleur fulgurante lui vrillait le dos. Il se retint à la paroi métallique du hangar, reprit son souffle. Il porta la main sur ses reins, la retrouva couverte de sang. À ses pieds, le grec faisait des gestes désespérés pour se relever, mais seuls ses bras réagissaient. Maintenant tu vas parler avant que je te balance dans le port. Le Jasper a percuté un voilier au large d'Alicante, c'est ça? Il avait une avarie. Le skipper vous a contacté? Non. On savait qu'il dériverait dans notre secteur. Vous l'avez abordé en pleine mer? Vous avez trafiqué le voilier de Fontaine? Il y a des survivants? Oui. Oui. Ils sont où? À bord du Jasper? Réponds. Oui. Qui? Il y a qui dans le cargo? Des gamines. Des africaines. Les Fontaines, le skipper du voilier. Parle. Je sais pas. Je m'occupais des filles. Zamiakis est dans le coup. Je sais pas. Mario, c'est lui le boss. C'est quoi ce trafic? Les africaines? Quoi d'autre? Le marin du Jasper secouait la tête, incapable de répondre. Déjà, une teinte vitreuse passait sur ses yeux. Makash grimaça. Son pantalon était poisseux de sang et ses reins le faisaient gémir. Makash le voya vers la Jaguar. Tenir au moins jusqu'à l'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, Makash sortait de son coma, plus mort que vivant, la tête lui tournée, kaléidoscope en surchauffe, 42 fièvre et le mercure dans les jambes. Il porta d'instinct la main à son visage, sentit le contact rassurant du cuir sur son moignon. Rassurez-vous. Je vous ai mis un bandeau neuf. L'ancien était franchement peu hygiénique. Une femme de 50 ans, le surplombé, plutôt jolie. Alice aussi était là, adossée dans l'embrasure de la salle de bain, le visage rongé de larmes. Comment vous vous sentez ? Super. Ça m'étonnerait. Je suis le docteur Latigné. C'est votre fille qui est venue me trouver. Vous pouvez lui dire merci. Sans elle, vous seriez à moitié mort à l'heure actuelle. L'autre à moitié ne vaut guère mieux. Laissez tomber l'autodérision. Vous n'êtes pas en état. Qu'est-ce qui est arrivé à votre prothèse ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis médecin, pas fossoyeuse. Je suis borgne, pas diseuse de bonne aventure. Vous êtes toujours aussi aimable ? Uniquement avec les jolies femmes. Alors ? Vous êtes chiante. Ravie de vous l'entendre dire. Généralement, tout le monde m'adore. Votre œil s'est infecté. J'ai nettoyé l'orbite, mais il se peut que ça ne suffise pas. Je vais vous faire une ordonnance pour qu'ils vous prennent en priorité à l'hôpital. Il y a un CHU à Brest. Vous verrez, ils sont très bien. On verra. C'est plus qu'un conseil que je vous donne. Votre prothèse est dans un sale état. Sans compter qu'à terme, vous risquez un affaissement de l'orbite oculaire. Alice, tu peux nous laisser un moment, s'il te plaît ? Il faut que je parle 2 minutes avec ton papa. La blessure, en bas du dos. C'est un coup de couteau, non ? Peut-être, ouais. La blessure est assez profonde et vous avez perdu pas mal de sang. Heureusement, la plaque abdominale n'est pas touchée. Pas de péritonite non plus. Vous avez de la chance que la lame ait touché le muscle. Je vous ai fait une piqûre, mais il vaut mieux que vous alliez à l'hôpital. Vous pouvez conduire ? Ne vous en faites pas pour moi. Oh, ce n'est pas pour vous que je m'en fais, c'est pour la petite. Merci, docteur. Maintenant, reposez-vous. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, monsieur McCash, mais vous devriez changer d'activité. Votre fille vous a sauvé la vie. Sans elle, vous seriez en train de pourrir dans ce lit. La belle affaire. McCash divaga jusqu'au soir ou le lendemain. Les informations se bousculaient sans queue ni tête. Le naufrage au large d'Alicante, Jasper sur sa route, les marins bloqués au port de Brest, prêts à lui faire la peau, Mario, des hommes de Zamiakis. Le skipper avait dû mettre les pieds dans une sale affaire. On avait pu chercher à maquiller sa mort, comme le juge Borel à Djibouti. Afrique, Tanger, Cabo de Gata, Jasper. McCash réfléchissait au ralenti, en proie aux effets secondaires des antalgiques. Chute, rechute, il évoluait au point d'impact entre la lame et la bûche. Angélique, Alice, Angélique. La sonnerie du portable tira de son sommeil amnésique. Le borgne décrocha. C'était Bob, le spécialiste des égouttes qu'il avait contacté 2 jours plus tôt. Un ancien collègue. Allô ? Alors, McCash, comment ça va, vieux fantôme ? Accouche. Putain, ça fait plaisir de t'entendre. Bon, c'est ce que tu m'as demandé. Ton copain Fontaine a téléphoné 2 fois le jour de son départ. Un premier appel à un certain Joe Montalban, passeur et petit trafiquant de chair humaine. Il est d'Almeria. On l'a retrouvé mort le soir même, une balle dans la tête. Une enquête est en cours. Une bande mafieuse ? Probable. Le deuxième coup de fil a été passé sur le portable de sa femme, Angélique. Elle travaille pour le réseau Sauver les enfants à Douarnenez, une association de défense des sans-papiers. Allô, allô ? Allô ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. Il venait de voir le plateau sur la tablette de la chambre. Une pomme, un yaourt et du jambon. sous cellophane. À Alice, lui avait déposé à manger. Petite souris, s'il avait faim, l'envie de mourir passait. Pas celle de dégueuler. C'est en se levant le lendemain matin qu'Alice trouva le message à la réception. Un papier à lettres de l'hôtel griffonné à la va-vite qui disait « Je reviens. Pigé ?» Il y avait un coquillage au fond de l'enveloppe, un petit jaune citron qu'on trouvait sur la plage. Un spécimen unique puisqu'il l'avait ramassé pour elle. Angélique tenait la permanence de l'antenne RSE de Douarnenez depuis 2 ans. Salaire minable, colère garantie. Mais une raison de vivre, debout. Salut Angèle. Macache, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Tu aides les sans-papiers, non? J'aide les enfants des sans-papiers à ne pas être expulsés. Nuance. Et alors? Tu aidais Marco à dispatcher les clandestins? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, Angèle, les flics vont bientôt s'emparer de l'affaire, je n'ai pas beaucoup de temps. Le Jasper, un bateau poubelle coincé au port de Brest, a été témoin du naufrage de Marco. J'ai voulu parler aux marins, mais ils ont essayé de me tuer. Comment ça? Le Jasper appartient à Zamiakis, un armateur grec pourri jusqu'à l'os. Marco trimballait des clandestins dans son voilier. Il avait un contact à Almeria, un passeur qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête le soir de son départ. Marco a défendu des malfrats quand il travaillait à Paris. J'ai dans l'idée qu'il a dû monter une filière d'immigration clandestine sans savoir qu'il marchait sur les plates-bandes d'un réseau mafieux. On a trafiqué son voilier pour qu'il dérive en pleine mer. Le cargo de Zamiakis naviguait dans la zone et l'a intercepté pour récupérer les clandestins cachés dans le voilier. D'où tu sors ces infos? Marco avait besoin de complices, Angel. Des gens pour cacher les clandestins qu'il ramenait en Bretagne. Tu es dans le coup, n'est-ce pas? Je fournissais les noms des gens susceptibles d'héberger les familles. Le temps qu'ils trouvent un job et un logement décent. Putain, Angel, pourquoi tu n'as rien dit? Aider ces gens est hors la loi. Et j'allais raconter quoi? Que mon mari trimbalait illégalement des sans-papiers? Qu'il fallait mener une enquête? Et puis, de toute façon, RSE n'est pas au courant. Du trafic? De la résistance. Du trafic de sans-papiers. Marco profitait de ses cabotages en Méditerranée pour amener des enfants des sans-papiers. Ils sont des milliers à se presser aux frontières de l'Europe. Des gamins que leurs parents ont laissés derrière eux et qui cherchent à les rejoindre à n'importe quel prix. Marco rachetait les enfants passeurs. Tu ne sais pas comment vivent ces gens. C'est qu'ils endurent pour retrouver leur famille. La plupart n'atteignent jamais l'Europe. On les largue en chemin, on les balance à la mer ou on les revend à des particuliers quand ils ne sont pas destinés au trafic d'organes ou à la prostitution. C'est ces gamins que Marco ramène en Bretagne. Une sorte de rapprochement familial, si je comprends bien. Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Gotti. Le pouvoir cherche à nous vacciner contre les injustices. Tu te souviens de l'émotion quand on a découvert les premiers SDF dans la rue? Les premiers morts de froid? C'est aujourd'hui rentré dans les mœurs. Marco aussi était écœuré par ce qui se passe dans ce pays. On cherche à nous insensibiliser en masse, ma cache. Ça fait partie du discours sécuritaire. C'est toujours l'autre qui est en cause. Le sans-domicile fixe, le sans-papier, même le sans-travail. Tu n'as pas prévenu ta hiérarchie? La cellule RSE de Douarnenez est autonome avec ses propres réseaux d'aide. Macache, oh, Macache, hé. Bouffée de chaleur, effet secondaire des analgésiques, picotement sur l'épiderme, Macache chassait dans un univers chimique. Ça va? Il faut que tu gardes ma fille, Angel, le temps que je règle cette affaire. Ah ouais? Et si tu meurs, si tu ne reviens jamais, qui va s'occuper de ta gamine? Moi, peut-être? Qui me dit que tu ne cherches pas à te tirer à l'autre bout du monde en me laissant ta mioche? C'est ma fille, pas un clébard. C'est ma vie, pas un paillasson. Je sais comment les histoires finissent avec toi. Mal. Il faut que je retrouve ces types, Angel. Avec un peu de chance, les gosses sont encore dans la soute du cargo. Si je les tire de là, ils peuvent témoigner. Et se faire envoyer chez eux à coups de pied au cul. Ce sont des trafiquants de chair humaine, Angel, les mêmes qui ont entassé tes ancêtres dans les soutes des négriers. Tu vises toujours le point sensible à ce que je vois. Tu me facilites pas la tâche. Il faut que je m'introduise dans ce putain de rafio avant qu'il ne reprenne la mer. Tu n'as pas vu ta tête, Makash. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas t'attaquer seul à un trafic de clandestins? Tu n'as pas une chance. Pas une. À moins que je vienne avec toi. Écoute, Angel. Je viens avec toi. La nuit était tombée sur les docks. Angélique et Makash attendaient à l'ombre des hangars, le Jasper en ligne de mire. Une heure, peut-être deux, qu'ils étaient là, silencieux, respirant chez l'autre l'effluve de sa propre peur. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Enfin, ils les virent, deux marins qui descendaient de la passerelle. T'es prête ? Oui. Makash serra son arme calibre 38. Mario, il y a une négresse sur la passerelle qui demande à vous voir. Une négresse? Oui. À mon avis, c'est une pute. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle est une amie d'Alex Samiakis. Samiakis? Oui. Bon, amenez-la. Oui. Non, voilà, chef. Je l'ai fouillé. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu veux? C'est Alex qui m'envoie. Alex Zaniakis. C'est bon, Ling. Tu peux retourner sur le pont. Qu'est-ce qu'il veut, Zaniakis? Il n'a plus le téléphone? Sa ligne est surveillée. C'est au sujet des clandestins. Tu m'as toujours pas dit qui tu étais. Content de te revoir, Mario. Mais qu'est-ce qui est... Ta gueule, on te dit. Où est le skipper du voilier? Les rescapés du naufrage? Parle, connard, ou ma copine te casse le cou. Va te faire foutre! Encore une pression et tu crèves! Où sont les naufragés? Dans la cabine, au bout du couloir. Le skipper aussi? Non. Il est où? On l'a laissé sur le voilier. Putain, espèce d'aventure. La cache! La balle du marin avait raté Makash, mais pas l'homme qu'Angélique tenait dans sa prise. Mario. Putain. Chopons les gosses et tirons-nous vite. Perdition s'était mis à la cape, pendant que le Jasper, en travers du courant, se laissait dériver vers lui, formant peu à peu une digue flottante en pleine mer. Makash imaginait Marco à l'approche du cargo, la masse qui avance à hauteur, sa surface portante, deux ou trois nœuds de vitesse, 4000 tonnes de jauge brute qui arrivaient sous son vent. Machine avant lente, revenir mourir sur lui. Et puis Marco qui reste seul sur le pont dévasté du voilier, qui réalise enfin les raisons de l'avarie, un sabotage. Le voilier qui s'engouffre sous la coque du cargo. L'eau noire. Et bientôt les hélices qui le broient. Les restes du voilier. L'étrave. Ça va aller? Oui. personne en vue? Par des mouettes, non. Macash conduisait le van d'Angélique jusqu'à sa planque pendant qu'elle donnait les premiers soins aux rescapés. Quatre enfants terrorisés, dont l'un avait la jambe brisée, qu'ils avaient trouvé dans la cabine du Jasper. Angélique était en contact avec leurs parents. Elle s'occuperait d'eux. Macash gara le van dans le garage d'une maison inhabitée, l'aida à installer les gamins et prit congé. Alice devait se faire un sang d'encre. Tu vas te débrouiller pour rentrer ? Il y a une gare à côté. Tu as encore du sang sur ta chemise. Ça vaut mieux que sur le nez. Oh. Les yeux d'Angélique souriaient, comme avant. Mais il n'y avait plus d'avant, plus de passé. Et un fantôme entre eux, bouffé par les bulots. Ta bonne humeur va me manquer, Angel. À qui le dis-tu, Godzi? Ça va aller avec les gamins. T'en fais pas pour moi. Enfin alerté, la police avait fait une descente dans le Jasper. Macash ne savait pas si l'enquête remonterait jusqu'à Zamiakis, au groupe mafieux, responsable de la mort de son ami. Adieu, Angel. Macash? Ouais. Merci. Il sourit. Un sourire malade. Alice recomptait les galets sur la plage de la baie des Trépassés. Elle vit son père arriver de loin, le dos voûté, sur ses chaussures trempées, les mains dans les poches de son blouson. Il marchait à pas comptés sur le sable, sans éviter les flaques à marée basse. Il avait l'air triste, comme ça, tout seul sous la brume. Alice releva la tête. Les cheveux de son père aussi ressemblaient à une soupe pour chien. Ça va, papa? Ah. Macash avait des hirondelles dans le sang. Un nouveau printemps qui leur prêtait ses ailes. Viens, Alice, on se casse. La Jaguar attendait sur le parking de l'hôtel. Plus jamais seul, de Caryl Ferret. Avec Serge Merlin, Jean-Claude Dauphin, Claudia Tagbo, Anne Caillère, Vincent Grasse, Miglen Mirtchev, Pierre-Henri Puente, Véronique Samac, Philippe Chen, Tien Chu, Geoffroy Guerrier. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal, Sébastien Labarre. Plus jamais seul. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, François Christophe, avec la complicité plus de Jacques Taroni. Seul.